Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Nous sommes au cœur du mois d'août, la température est douce, quelques grillons chantent, c'est la nuit. Vous vous allongez dans l'herbe, le ciel est dégagé, et comme souvent à cette période de l'année, l'émerveillement se traduit en ces quelques mots, on voit la Voie lactée. Cette bande lumineuse qui raye le ciel a longtemps intrigué les observateurs. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que nous sachions enfin que notre galaxie en était une, que la Voie lactée était elle-même partie d'un tout plus grand, et que dans l'univers existaient des milliards de milliards d'autres galaxies. Voie lactée entre ses bras, c'est la découverte galactique que nous vous proposons pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette découverte de la Voie lactée, nous avons le plaisir d'être en studio aujourd'hui avec Karine Babusio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Françoise Combes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, professeure au Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Avant de nous plonger dans ce voyage dans la Voie lactée, je vous propose d'entamer cette émission par un petit peu de poésie, un extrait du poème de la Voie lactée de Guillaume Apollinaire, lu par Claude Faraldo, c'était en 1964. Voie lactée. Ô sœur lumineuse des blancs ruisseaux de Canaan, et des corps blancs des amoureuses. Nageurs morts, suivrons-nous, Dahan, ton cours vers d'autres nébuleuses? Les démons du hasard, selon le chant du firmament, nous mènent. À son perdu, leurs violons font danser notre race humaine sur la descente à reculons. Françoise Combes, on commence par un petit peu de poésie, une fois n'est pas coutume. Comment est-ce que vous expliquez cette jolie fascination qu'on peut avoir quand on regarde la Voie lactée en été ? La Voie lactée, c'est quand même quelque chose qui est fascinant parce que ça occupe tout le ciel. C'est une bande blanche qui se distingue dans le ciel noir. Alors évidemment, on voit des étoiles, le ciel est étoilé. Mais cette bande blanche a toujours été une question jusqu'au début du XXe siècle. Qu'est-ce que cette bande blanche? Elle représente un peu comme une nébuleuse, et comme du lait en fait. D'où le nom d'ailleurs de galaxie qui vient de lait. Et donc ça, on dirait une bande laiteuse qui fait tout le ciel. On la voit mieux d'ailleurs dans l'hémisphère sud, mais on la voit quand même dans l'hémisphère nord. Et jusqu'à 1920-25, on pensait qu'il s'agissait du gaz. On n'arrivait pas à résoudre les quelques étoiles qui le forment. Donc c'était du gaz, une nébuleuse, comme nébuleuse de gaz. La nébuleuse d'Orion est bien connue. Et on va voir que ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on s'est aperçu que c'était notre galaxie et qu'il existait d'autres galaxies extérieures à la nôtre. Et on va bien sûr avoir une heure entière pour évoquer les franchissements de ces nombreuses étapes avant de comprendre que nous faisions partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Karine Babusio, sur ce petit poème et sur cette fascination qu'exerce la Voie lactée, est-ce que c'est une fascination qui n'est qu'esthétique ou bien est-ce que ça nous renvoie à une espèce de vertige métaphysique ? Ah oui, c'est les deux, bien sûr. Oui. C'est la beauté que l'on peut tout un chacun apprécier, surtout par ces belles soirées d'été. Et aussi l'idée de se dire que ce qu'on voit là, c'est des tonnes et des tonnes d'étoiles. Et encore, là, toutes celles que nous, on peut voir à l'œil nu, ce sont juste les plus proches de nous. Et alors qu'en fait, on n'en voit que quelques-unes, et alors qu'en fait, il y en a 100 milliards dans notre galaxie. Françoise Combes, on parle de la Voie lactée, peut-être qu'on peut faire un petit peu d'onomastique et d'étymologie. Est-ce qu'on pourrait expliquer de quel mythe vient cette appellation de Voie lactée ? Alors au point de vue mythe, bon, c'est la mythologie grecque. En effet, il y avait la mère de Jupiter qui était censée donner son sein à son enfant et qui, tout d'un coup, en bougeant, a renversé tout le lait et qui a traversé tout le ciel. Donc, je ne sais pas exactement si mes connaissances de mythologie grecque sont assez exactes. Alors, il me semble que c'était Zeus qui voulait que Hercule se nourrisse au sein d'Héra et qu'Héra, n'étant pas la mère d'Hercule, l'a retirée rapidement, brutalement. Et donc, il y a eu une traînée de lait et donc la Voie lactée est née. Voilà un petit peu pour la légende, Françoise Combes. On va rester un petit peu dans l'Antiquité. Quelles étaient à cette époque-là les hypothèses émises par les observateurs de cette époque concernant la Voie lactée et quelles explications ils donnaient à ce trait blanc, à cette traînée blanche dans le ciel nocturne? En fait, ils n'avaient pas vraiment d'explication à l'époque, donc bien avant le XXe siècle. Donc, on avait une cosmologie très très restreinte. On pensait que la cosmologie c'était d'abord le système solaire. Notre système solaire dans lequel nous sommes, les systèmes planétaires, etc. Et ensuite, il y avait une sphère des fixes. Il y avait des étoiles qui apparaissaient fixes, hein, contrairement aux planètes qui bougent. On avait une sphère des fixes. On ne savait pas du tout quelles étaient les distances de tout ce que l'on voit en projection dans le ciel. Il y a des étoiles, mais quelles sont les distances de ces étoiles? Quels sont ces points lumineux? Il y a des galaxies, des quasars, on le sait aujourd'hui, mais autrefois, on mettait toutes à la même distance. Donc, ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on a pu avoir des indicateurs de distance qui vont nous agrandir notre univers et faire une cosmologie réelle, moderne. Auparavant, il y avait des tas de métaphysique un tout petit peu autour de ces régions. Donc, la Voie lactée, ben, c'était un nuage, comme des tas de nuages. Alors, ce qui était ponctuel comme une étoile, c'était connu comme des étoiles. Et puis, tout ce qui était un peu étendu et diffus, c'était des nébuleuses. Hein. C'est pour ça qu'on parle de la nébuleuse d'Andromède, qui est une galaxie, notre galaxie la plus proche, mais qu'on ne savait pas résoudre en étoile. Donc, c'était du gaz, un petit peu comme les nuages de gaz qu'il y a dans notre propre galaxie. Karine Babudio, sur ces prémices de notre compréhension de la Voie lactée et sur cette part un petit peu erronée, dans l'Antiquité, voilà, est-ce qu'on peut évoquer quelques hypothèses qui étaient émises alors? Ben, dès l'Antiquité, en fait, il y a des savants qui se sont demandés si cette bande blanche pouvait être autre chose qu'un fluide céleste et être en effet juste une somme, comme ça l'est, de tonnes d'étoiles très très faibles. Donc l'hypothèse avait déjà été suggérée bien avant leur observation. Si on avance un petit peu dans le temps, Françoise Combes, au Moyen-Âge, il y a quand même des astronomes arabes notamment qui sont particulièrement compétents. À cette époque-là, est-ce que notre connaissance et les théories avancées évoluent sur ce qu'est la Voie lactée? Alors, je pense qu'on ne connaît pas toujours la distance de ces nébuleuses ou étoiles. Donc, c'est ça qui nous empêche de progresser. Mais il y avait quand même des philosophes. Hein. Il y avait Emmanuel Kant qui pensait, de façon une vue de l'esprit, hein, que sans doute il y avait des mondes à part, des mondes un peu comme le nôtre qui étaient un petit peu extérieurs au nôtre. Et donc, l'idée de monde à part, d'îles, d'univers îles qui seraient des galaxies, avait déjà été mise au XVIIIe siècle. C'était des idées en l'air qui n'avaient pas encore de concrétisation. Mmh. Et ça s'est concrétisé donc au début du XXe siècle où on a eu des distances et on a pu vraiment reconnaître des étoiles dans la plus proche des galaxies, Andromède, et savoir que nous étions une galaxie comme les autres et que Andromède n'était pas à l'intérieur de notre système. On va y venir bien évidemment à ce XVIIIe siècle, mais j'aimerais qu'on parle d'abord, quand on pense astronomie, observation de l'espace, on pense évidemment à Galilée. Karine Babusio, quel rôle a joué Galilée dans peut-être les prémices de la compréhension de notre Voie lactée? En 1610, donc Galilée a tourné ses télescopes évidemment vers la Voie lactée et a pu confirmer qu'en effet ce n'était pas un fluide céleste mais une énorme quantité d'étoiles très peu lumineuses qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu mais que lui a pu distinguer avec son télescope. Il avait donc quelques petites intuitions. Quand est-ce que le mot galaxie apparaît, Françoise Combes, dans le lexique des astronomes? En fait, je ne sais pas exactement si vous me posez la question de savoir dans quel siècle est arrivé ce mot. À quelle période? Je ne sais pas. Bon, fait. Bah écoutez, c'est une question comme ça, sans réponse, c'est pas grave, ça arrive. On va continuer, on va évidemment arriver dans un instant à ce 18e siècle. France Culture. S'il fait beau ce soir, levez les yeux vers le ciel. Vous l'avez sans doute déjà fait souvent, mais sans savoir qu'on peut y découvrir bien des choses. Ces choses, nous allons les découvrir ensemble. Eureka, Antoine Beauchamp. On en arrive donc au XVIIIe siècle, Françoise Combes, on l'évoquait. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile, à cette époque-là, encore au XVIIIe siècle, alors que les connaissances en astronomie ont évolué, de se situer et d'estimer qu'on fait partie d'une galaxie parmi d'autres ? Eh bien, on n'a pas du tout une notion de la distance de tous les objets qui se projettent sur la sphère céleste. Et c'est quand même très difficile, hein. Ce sont des points lumineux. Très souvent, les galaxies apparaissent comme un nuage, on n'arrive pas à le résoudre. Donc, c'est très difficile. Alors, à l'époque, on ne s'intéressait pas non plus, comme on ne savait pas que ça existait, on s'intéressait surtout à ce qui se passait dans le système solaire. On avait, par exemple, les comètes, qui étaient des objets qui sont arrivés très vite, qui inquiétaient la population pour savoir exactement si, par exemple, la comète de Halley. Halley a eu beaucoup de succès en prédisant que les comètes allaient revenir 70 ans après, et c'est ce qui est arrivé. Et c'est pourquoi, par exemple, l'astronome de l'Observatoire de Paris, Messier, a voulu essayer de détecter d'autres comètes. C'était l'attraction du moment. Qu'est-ce que sont ces objets? Les comètes qui, tout d'un coup, arrivent, sont très lumineuses, puis repartent et puis reviennent. Donc, tout cela intéressait les astronomes, et c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Ils ne pensaient pas aux galaxies, en fait. Mmh. Il y avait une forme de myopie qui était liée, bien évidemment, à des limites techniques. On y reviendra. On peut peut-être quand même évoquer, Françoise Combes, pour ce XVIIIe siècle, des grands noms qui ont quand même posé certains jalons. Je pense à Thomas Wright, à Emmanuel Kant, vous l'évoquiez, mais aussi au Herschel. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les apports de chacun de ces trois personnages-là à la compréhension de la Voie lactée? Alors, Herschel n'a pas beaucoup fait évoluer. Il y a surtout, un petit peu plus tard, Kapteyn, qui était à Groningen, en Hollande, qui a essayé de faire une cartographie de la Voie lactée et qui essayait de compter les étoiles. Lui, il comptait les étoiles les plus proches et il essayait de faire une cartographie, hein, comme un géographe. Il essayait de dire que pratiquement toutes les étoiles qu'il voyait avaient à peu près la même luminosité. Et l'idée était assez intéressante. Il disait que les plus lointaines, eh bien, ce sont les plus faibles. Donc, il avait une petite distance comme cela. Vous voyez que c'était rudimentaire comme distance, mais c'est quand même très raisonnable lorsqu'on n'a pas d'autres outils. Et donc, il avait conclu que le Soleil, notre Soleil, était au centre de ce système d'étoiles. Pourquoi ? Parce qu'il avait, il connaissait pas du tout le milieu interstellaire, le gaz et la poussière qu'il y a entre les étoiles. Et ce gaz et cette poussière vont éteindre la luminosité des étoiles les plus lointaines. Donc finalement, il se trompait beaucoup sur cet indicateur des distances. Il y avait des étoiles qui étaient éteintes, et donc ce n'est pas qu'elles avaient la même luminosité, qu'elles étaient trop distantes, mais c'est qu'il y avait plus de poussière dans cette région-là. Et donc, on ne voyait que tout autour du Soleil, parce que tout d'un coup, lorsqu'on va assez loin, il y avait trop de poussière, on ne voyait plus rien. Mmh. J'évoquais également les noms de Thomas Wright, d'Emmanuel Kant. C'est curieux de penser à Emmanuel Kant quand on l'associe pas nécessairement à l'histoire de l'astronomie. Alors, Karine Babusio, qu'est-ce qu'Emmanuel Kant propose qui va être finalement plutôt assez une bonne intuition? Oui, tout à fait. En fait, il se base donc sur les travaux de l'astronome Thomas Wright et il formule deux hypothèses. Donc, l'hypothèse que les étoiles de la Voie lactée se retrouvent principalement sur un disque plat grâce à un équilibre dynamique. Et ça, il le fait par comparaison, ses similarités avec le disque du système solaire. Mmh. Et donc, il se dit, si ça se trouve, les étoiles subissent les mêmes mécanismes et sont aussi principalement suivant un disque plat, qui est en effet une bonne intuition. Et donc, comme le disait Françoise, il amène aussi l'hypothèse qu'il puisse y avoir d'autres nébuleuses qui puissent être d'autres galaxies isolées comme la nôtre. Vous évoquez ce mot de nébuleuse. Qu'est-ce que ça recoupe alors? À l'époque, on n'employait pas encore le mot de galaxie. Que recoupait ce mot de nébuleuse? Qu'est-ce qu'on mettait sous ce terme-là? Mais tout ce qui n'était pas résolu en étoiles, tout ce qui était, bon, justement, nébuleux. Mais dedans, il y a tout un bestiaire maintenant que l'on connaît bien, qui est très, très vaste. Donc, il y a des nébuleuses qui sont constituées principalement de gaz, très souvent avec une étoile au centre, comme une nébuleuse planétaire. Mais donc, ça peut être aussi une galaxie extérieure de différents types. Donc, il y a des nébuleuses, finalement, ça traduit un bestiaire très, très large actuellement. Françoise Combes, on parlait de ce concept d'univers île. Est-ce que c'est un concept qui, encore aujourd'hui, a une certaine forme de validité? Oui, bien sûr, puisqu'on peut supposer que toutes les autres galaxies sont des petits univers. Pourquoi? Parce que ils sont liés par leur gravité, leur propre gravité, donc ils sont tenus par cette gravité. On va bientôt peut-être découvrir, donc au début du XXe siècle, l'expansion de l'univers, et en effet, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres par l'expansion de l'univers. Par contre, les galaxies, les étoiles entre elles ne s'éloignent pas. Elles ne sont pas sujettes à l'expansion. Donc, ce sont des petits mondes entre eux qui sont liés par la gravité. Et donc, c'est bien des univers-îles. Cette notion d'univers-île était très, très bonne déjà au XVIIIe siècle. Karine Babusiaux, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan d'étape à la fin du XVIIIe siècle sur notre conception de l'univers à cette époque-là. On considère encore que le Soleil est au centre de l'univers. Oui, parce que donc les travaux de William Herschel, où il essaie pour la première fois de faire une carte de la Voie lactée en comptant les étoiles, comme l'a fait beaucoup beaucoup mieux après Kapteyn. Mais donc il fait ce premier graphique, en fait, représentant une Voie lactée où le Soleil se retrouve au centre. Donc pour les raisons qu'expliquait Françoise, mais c'est lui qui fait ce premier dessin de la Voie lactée. On arrive maintenant au 19e siècle. Françoise Combes, je crois qu'autour des années 1840, un certain William Parsons, surnommé Lord Rosse, va faire des observations déterminantes dans l'évolution de l'étude de la Voie lactée. Oui, alors Lord Rosse, il est aussi connu surtout pour avoir cartographié la structure spirale. La structure spirale d'une certaine galaxie qui est très populaire, qui s'appelle Messier 51. C'est une des catalogues de Messier, hein, qui recherchait des comètes, qui a trouvé beaucoup de galaxies. Et ce qu'il a vu, et c'était un exploit à l'époque, c'est que dans ces nébuleuses, qui étaient une galaxie, la galaxie de Chien de Chasse, très célèbre, eh bien, il voyait une structure spirale, donc un tourbillon. Alors, on ne savait pas, mais on a compris que c'était un élément très essentiel de l'évolution et la formation des galaxies, cette structure spirale d'étoiles. Alors évidemment, à l'époque, Lord Rosse n'avait juste fait l'image de cette structure spirale. Donc c'était quand même une grande avancée. Mais Françoise Combes, vous évoquez le fait que Messier notamment avait découvert beaucoup de galaxies. À cette époque, quand on découvrait une galaxie, on avait l'impression de découvrir quoi? Alors, il ne savait pas que c'était une galaxie, donc il avait une nébuleuse. Toujours une nébuleuse, et comme le disait Karine, les nébuleuses, il y a beaucoup de choses dans les nébuleuses. Il y a aussi la nébuleuse du Crâne, par exemple, qui est Messier 1, le premier du catalogue de Messier. Et en fait, c'est une supernova, une étoile très massive qui, en fin de vie, explose, devient supernova, et elle est observée en explosion dans les années 1030 environ, par les Chinois et aussi d'autres personnes. Et ensuite, aujourd'hui, elle fait une nébuleuse, c'est-à-dire qu'elle perd du gaz, et elle fait une nébuleuse de gaz autour de, maintenant, c'est une étoile à neutrons au centre de la nébuleuse. Donc il y avait des supernovae, il y avait des nébuleuses planétaires, comme le disait aussi Karine. Il y avait aussi des nébuleuses ionisées par les étoiles nouvelles comme Orion. Là, c'était des étoiles nouvelles qui vont ioniser le gaz environnant. Puis il y a des nébuleuses sombres, qui sont des nuages moléculaires dans lesquels vont se former des étoiles, donc des berceaux de formation d'étoiles, etc. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui ressemblent de loin à une petite nébulosité. On en arrive, et c'est très étonnant, cette histoire de la découverte des galaxies. On comprend bien que finalement l'histoire de l'astronomie et de l'astrophysique s'est considérablement accélérée au XXe siècle avec l'arrivée de nouveaux outils et de nouvelles théories. On en arrive donc au début du XXe siècle. Et je vous propose d'écouter une lecture d'un texte d'Henri Poincaré. C'est tiré de son ouvrage Leçons sur les hypothèses cosmogoniques. Nous sommes en 1911. Que sont les nébuleuses, en particulier les nébuleuses spirales? Sont-elles à des distances énormes, en dehors de la Voie lactée, et sont-elles elles-mêmes des Voies lactées vues de loin? Ou bien, malgré la nature de leur spectre, sont-elles incapables d'être assimilées à des amas de vraies étoiles? Un fait qui frappe tout le monde, c'est la forme spirale de certaines nébuleuses. Elles se rencontrent beaucoup trop souvent pour qu'on puisse penser qu'elle est due au hasard. On comprend combien est incomplète toute théorie cosmogonique qui en fait abstraction. Or, aucune d'elles n'en rend compte d'une manière satisfaisante. Voilà pour cet extrait d'un texte d'Henri Poincaré, une réaction, Françoise Combes, à ces prémices, à ce flou encore qui prévaut au début du XXe siècle. Ah oui, ça c'est assez caractéristique quand même de savoir les questions que Henri Poincaré se posait. En fait, la structure spirale des galaxies, en effet, c'est fondamental, et on a vu que c'était un problème vraiment profond, que l'on a résolu que dans les années 60-70. En 1970, en fait, on s'est aperçu que la rotation des galaxies était beaucoup plus rapide au centre qu'au bord. Donc, si à un instant T, il y avait une spirale, elle devait s'enrouler énormément. Et, en général, on fait, par exemple, le Soleil fait 50 à 100 tours dans la vie de la galaxie. Donc, on devait avoir une spirale qui serait enroulée 100 fois. Donc, on ne devrait plus la voir. On s'est aperçu que cette spirale n'était pas des bras spiromatériel, mais une onde de densité. Donc, il a fallu calculer, c'est un problème dynamique très intéressant, mais qui nous montre que la structure spirale des galaxies, c'est une onde qui se propage dans la galaxie et la matière rentre dans cette onde et en sort. Et il va se former des nouvelles étoiles dans le bras spiral. Donc, tout ça, en effet, comme avait une intuition Poincaré, c'est fondamental pour la vie des galaxies. Karine Babudio, une réaction à ce texte de Poincaré? C'est en effet un débat qu'on peut imaginer. Moi, j'aime bien essayer d'imaginer du coup les différentes hypothèses et les différents débats qu'il y a pu y avoir. Et c'est vrai que c'est très intéressant de regarder avec notre regard actuel tous les débats qu'il y a eu à ce moment-là pour essayer de comprendre si les nébuleuses qu'on voyait faisaient partie de la Voie lactée ou étaient en effet d'autres galaxies extérieures. Françoise Combes, il y a quelque chose qu'on découvre aussi au début du XXe siècle, c'est le fait que ces nébuleuses spirales tournent. En quoi cette découverte-là a une importance et surtout comment est-ce qu'on a découvert ça ? Alors, pour connaître le mouvement des galaxies, il faut faire de la spectroscopie, c'est-à-dire avoir des raies d'émission du gaz. Alors, ça peut être du gaz d'hydrogène essentiellement, ça peut être du gaz ionisé, du gaz qui se recombine. On appelle ça la raie de Balmer, qui se recombine lorsqu'elle était ionisée par une étoile proche, ou alors carrément le gaz d'hydrogène fondamental neutre et dont la raie fondamentale hyperfine a été découverte en 1952. Donc c'est bien plus tard. Mais auparavant, au début du siècle, on avait quand même des spectres optiques. On faisait le spectre de raies dans le Soleil, etc. Et donc, lorsqu'on a une raie, on peut faire comme l'effet Doppler. Lorsqu'on mesure la vitesse d'une voiture par effet Doppler, hein, on a cet même effet. La matière qui s'approche donc à une fréquence plus grande et la matière qui s'éloigne à une fréquence plus basse. Donc, elle est décalée vers le rouge, en quelque sorte. Et donc, on peut avoir le mouvement de rotation des galaxies par ce spectre-là. Karine Babudio, la spectroscopie, est-ce qu'il y a d'autres technologies, techniques d'observation qui existent à cette époque-là qui pourraient nous renseigner sur la structure de notre galaxie ? Alors, sur la structure de notre galaxie, donc c'était donc beaucoup en faisant des comptages d'étoiles, mais donc ça, on a vu que ça ne marchait pas. Par contre, il y a eu aussi des études sur les amas globulaires. Donc, c'est des amas très très denses en étoiles qui peuvent compter jusqu'à des millions d'étoiles et donc qui ont été regardés par Chapelet et qui a essayé donc d'estimer leur distance en supposant qu'ils étaient tous à peu près équivalents mais juste à distances différentes, et il a eu une vision de la Voie lactée complètement différente de ce qu'ont pu trouver Herschel et Kapteyn. Cette fois-ci, elle est à peu près 10 fois plus grande que la galaxie de Kapteyn, et le Soleil n'est pas au centre mais en est très loin. Françoise Combes, est-ce que en ce début de XXe siècle, l'univers d'une certaine façon s'anime et qu'on n'en est plus dans des logiques purement comptables à essayer de compter les étoiles, les planètes ? Oui, oui, c'est en effet, tout va se passer au début du XXe siècle. Donc en effet, il y a Chapelet, comme l'a souligné Karine, il y a aussi Curtis. Et le débat, le grand débat. Le grand débat, voilà, c'est ça. Le grand débat de 1920, c'était entre Chapelet et Curtis. Et chacun avait raison d'un côté et avait tort de l'autre. Et c'est quand même très curieux. Et en effet, Chapelet avait raison sur les amas globulaires. Mais il y avait une grande avancée qui est due à Henrietta Leavitt, qui a regardé les étoiles et s'est aperçue qu'il y avait des étoiles variables. Elle en a détecté des milliers d'étoiles variables. Et en regardant toutes ces étoiles, c'est un travail fastidieux, mais qui a porté beaucoup de progrès. Elle a remarqué qu'il y avait des céphéides, on les appelle aujourd'hui des céphéides, des étoiles qui pulsaient. Donc elles étaient plus lumineuses, puis tout d'un coup moins lumineuses, avec une période d'une semaine ou deux. Et ensuite, elle s'est aperçue que la période était reliée à la luminosité intrinsèque de l'étoile. Et là, une fois qu'on a la luminosité intrinsèque et qu'on a aussi la luminosité apparente qui nous apparaît, on a la distance. Donc c'est avec ces céphéides qu'on a pu tout d'un coup résoudre ce grand débat pour savoir en effet à quelle distance étaient ces nébuleuses, ces fameuses nébuleuses. Ah oui, c'était justement la question que je souhaitais vous poser à toutes les deux, c'était quels étaient les termes exacts de ce grand débat et sur quoi Chapelet et Curtis s'écharpaient, Karine Babusio. Oui, donc il s'écharpait pour... Chapelet dit mon univers là avec les amas globulaires, il est déjà très très grand. Les nébuleuses qui seraient encore plus loin que ça, vous n'y pensez pas. C'est pas concevable. Et Curtis, lui, avait plutôt en tête l'ancien modèle de Captain, donc un univers plus petit. Et lui, bah, il disait donc ces nébuleuses spirales, ça lui donnait vraiment l'impression que c'était en effet un ensemble d'étoiles beaucoup plus lointaines. Et puis il y avait donc toutes ces observations spectroscopiques où la lumière qu'il recevait ressemblait à la lumière intégrée d'étoiles. Et puis avec une grande vitesse qu'il pouvait aussi voir par l'effet Doppler. Donc c'est et après il y a beaucoup d'arguments qui certains plus ou moins justes, de certains qui étaient faux chacun d'un côté pour donner une réponse au final qui était juste. Ce grand débat était très très très très intéressant. Françoise Combes, sur ce grand débat et sur l'état en fait philosophique du monde à ce moment-là, qui a encore du mal à envisager même l'immensité qui nous entoure. Oui, ça c'est clair. Alors en effet, Chapelet avait raison sur les amas globulaires. C'est le premier à avoir mis le Soleil à côté. On n'était plus au centre, on était à côté parce que l'ensemble des amas globulaires avait un centre qui n'était pas celui du Soleil. Donc là, on avait raison. Mais il pensait que tout de même, la Voie lactée était l'ensemble. Il avait une taille de 100 kiloparsecs, hein, c'est-à-dire 300 000 années-lumière. Et alors que c'est plutôt 30 000, qu'il avait 10 fois plus grand, et il tirait un petit peu la couverture pour que ça rentre, en quelque sorte. Alors que Curtis avait raison, dans le sens que la Voie lactée était plus petite, et puis il y avait aussi ces vitesses que Vesto Slipher avait mesurées, des vitesses de toutes ces nébuleuses qui sont aujourd'hui des galaxies, donc ces nébuleuses s'éloignent de nous par effet Doppler avec des vitesses faramineuses quand même, hein, 1000, 2000 km par seconde. C'est quand même faramineux et personne ne l'expliquait. Donc, sans doute, il avait passé ça sous le tapis. Lorsqu'on ne sait pas expliquer quelque chose, on l'ignore, on le met sous le tapis. Il faudra attendre, je crois, Hubble, bien sûr, dans les années 30, pour que cette question de l'accélération d'une certaine forme d'expansion vienne sur la table. Mais avant d'en arriver là, Karine Babusio, j'aimerais qu'on rappelle, parce que c'est quand même assez sidérant, on est dans les années 1920, et à l'époque encore, on imagine que tout ce qu'on voit fait partie de la Voie lactée. Oui. Sauf ceux qui s'imaginent que ces petites nébuleuses en forme de spirale sont des mondes extérieurs. Oui. Qu'est-ce que ça dit, ça, Françoise Combes, de notre capacité à nous extraire, de nous abstraire de notre point de vue d'observateur? Alors, on a dans l'histoire, il y a beaucoup d'aspects de ce genre. Hein. Par exemple, avant Copernic, hein, ça a beaucoup pensé que la Terre était au centre et c'est le Soleil qui tournait autour, etc. Donc, on a maintenant un principe copernicien qui dit que nous ne sommes pas au centre de l'univers et que tous les endroits de l'univers sont équivalents. Hein, c'est le principe de Copernic. Mais on a vu qu'il y avait une autre étape où on pensait que le Soleil était au centre de la galaxie. On se croit toujours au centre et on se croit toujours spéciaux, en fait, dans l'univers. Et on voit aujourd'hui, avec la découverte des exoplanètes, des planètes extrasolaires, qu'il n'en est rien et qu'il y a peut-être aussi d'autres habitants ailleurs. On n'est pas au centre de l'univers, en quelque sorte. Et ça, c'est, en effet, psychologiquement très difficile à admettre. On évoquait tout à l'heure le grand débat entre Chapelet et Curtis, et ce grand débat va être clos par un certain Edwin Hubble. On va y venir dans un instant, ce sera tout de suite après la musique. Yes, I'm gonna walk all that milky white way. Oh Lord, some of these days. Well, I'm gonna walk that milky white way some of these days. Well, well, well, well, I'm gonna walk up and take my stand, gonna join that Christian band. I'm gonna walk on that milky white way, oh Lord, some of these days. I'm gonna tell my mother howdy, howdy, howdy, when I get home. Yes, I'm gonna tell my mother howdy when I get home. Well, well, well, well, I'm gonna shake my mother's hand. I will shake her hands that day. That's when we walk all that milky white way. Oh Lord, one of these days I'm gonna meet God the Father and God the Son. Yes, I'm gonna meet God the Father and God the Son. Well, well, well, well, I'm gonna sit down and tell him my troubles about the world I just came from. That's when we walk all that Milky Way way. Oh Lord, one of these days. Milky White Way par Elvis Presley à 16h30 dans Eureka sur France Culture. Nous voyageons aujourd'hui dans notre galaxie, la Voie Lactée, et nous retraçons l'histoire de sa compréhension avec Karine Babusio, astronome à l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble. Et nous sommes également en compagnie de Françoise Combes, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, professeure au Collège de France et membre de l'Académie des Sciences. Alors on évoquait juste avant la musique le grand débat entre deux astronomes américains, Shapley et Curtis. Un grand débat qui va être clos par un très grand nom de l'astronomie, Edwin Hubble. Françoise Combes, un petit peu d'histoire, un petit peu de biographie. Qui était Edwin Hubble et comment est-il venu clore ce grand débat? Alors Edwin Hubble avait été en Californie, donc il avait à sa disposition accès à des télescopes très grands qui permettaient de faire de grands progrès. Et aussi, il savait exploiter tout ce que faisaient ses collègues, comme Vesto Slipher, qu'on a déjà cité, qui avait étudié le mouvement des galaxies par effet Doppler. Donc il avait déjà remarqué que la plupart des galaxies, sauf peut-être Andromède justement, la plus proche, qui se rapproche de nous, mais la plupart des galaxies qu'il voyait dans le ciel s'éloignent de nous avec une grande vitesse, 1000-2000 km par seconde, c'était déjà beaucoup pour l'époque. Et il n'en faisait rien en fait, il n'avait pas interprété cet état de choses. Et puis Hubble a eu l'idée quand même de porter, en fonction des distances qui maintenant il avait grâce aux céphéides et les progrès de Henri Leavitt, il avait mesuré des céphéides dans des galaxies proches et donc obtenu leur distance. Il avait remarqué que les vitesses donc d'effet Doppler de ces galaxies étaient proportionnelles à leur distance. Alors c'était vraiment une relation encore très très vague, qui la constante de proportionnalité, qu'on va appeler constante de Hubble et puis constante de Hubble-Lemaître, était beaucoup plus grande que ce qu'on connaît aujourd'hui, peut-être d'un facteur 10 plus grand. Donc c'était très, très dispersé, hein, mais il avait eu l'idée de que la distance était vraiment le facteur qui permettait de relier la vitesse à la distance et donc d'avoir un indicateur de distance pour les galaxies plus lointaines où on ne pouvait pas avoir des céphéides. Karine Babusio, sur cet apport majeur d'Edwin Hubble. Hubble a aussi, avec c'est le grand télescope qu'il avait à disposition, pu observer les régions externes de nébuleuses spirales. Et là, il a pu voir des étoiles résolues dans leur partie externe. Et donc là, c'était aussi une des dernières preuves. Qu'est-ce que ça signifiait, ça? Bah, que donc ces nébuleuses étaient bien composées d'étoiles, tout comme notre Voie lactée. Et donc que c'était bien un autre univers isolé. Françoise Combes, est-ce que là, on assiste d'une certaine façon à une deuxième révolution copernicienne? Vraiment, j'aimerais qu'on insiste sur cet apport majeur d'Edwin Hubble et sur l'ouverture que ça crée. Oui, tout à fait. Hein, c'est la preuve vraiment, et c'est la fin du débat, la preuve que les galaxies existent, que les univers-îles d'Emmanuel Kant existent et qu'on est entouré de galaxies qui sont beaucoup plus lointaines, donc d'autres univers. On croyait être seul dans notre petit univers, limité à la Voie lactée, et en fait, on n'est pas seul, il y a énormément de galaxies. On sait qu'aujourd'hui, dans l'univers observable, il y a 2000 milliards de galaxies, donc on n'est pas seul. Quelles sont les réactions à ces trouvailles, à ces découvertes et à ces travaux d'Edwin Hubble, Françoise Combes? Oui, alors il y avait beaucoup de... C'était un univers en effervescence. Hein. On a parlé de Lemaître, qui était un abbé qui était belge, qui travaillait en Belgique, mais qui était très passionné par l'astrophysique, donc il faisait des études en astronomie. Et il était allé après sa thèse, qu'on pourrait appeler aujourd'hui un post-doctorat, il est allé en Californie, il avait regardé les travaux d'Hubble, et il avait aussi en tête tous les travaux théoriques qui se passaient en parallèle. On sait que Einstein, en 1915, a trouvé la relativité générale qui reliait la géométrie de l'univers à la densité de matière qu'il y a dans l'univers, dans toutes les galaxies, et il avait montré que ces équations prédisaient une expansion de l'univers. Donc, il était tellement effrayé de cette expansion, il dit non, c'est pas possible, l'univers est stable, on voit bien, et la sphère des fixes, etc. Donc, on va rajouter une constante pour rendre l'univers stable. Et en fait, lorsqu'il s'est aperçu que Hubble montrait que les galaxies s'éloignaient, eh bien, le maître a compris que c'était l'espace qui était en expansion, et non pas les vitesses des galaxies qui bougeaient. Enfin, les galaxies ne bougent pas, elles ont un mouvement apparent, mais c'est l'espace qui se dilate, et les galaxies restent bloquées sur cet espace qui se dilate. Karine Mabudio, c'est aussi grâce à Hubble qu'on apprend, qu'on découvre que notre galaxie n'est pas toute seule et qu'elle fait partie d'un groupe. Karine Mabudio, est-ce que Françoise Combe, sur cette question de l'appartenance de la galaxie à un groupe de galaxies, est-ce que là encore, c'est ce satané, sacré Hubble, comment le définir, qui a un apport majeur? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient déjà, à ce moment-là, on avait déjà repéré les galaxies, on ne connaissait pas leur distance, peu à peu on va la voir, et donc les galaxies voisines, on les connaissait, ce groupe. Alors c'est plus tard qu'on verra qu'il y a des amas de galaxies. On sait que Zwicky, par exemple, en 1930, regardait les amas de galaxies, comme les amas de la Vierge, l'amas de Coma. Donc il suffisait de compter les galaxies, et donc c'est pas très loin, hein, c'est 1920-1930, c'est ces années-là. Et lui aussi avait accès, c'était un Suisse hein, qui venait de loin et qui a fait toute sa carrière en Californie, avait accès au grand télescope, et il avait regardé les vitesses des galaxies dans l'amas de Coma, par exemple. C'est là qui a été la découverte d'une matière, une matière noire invisible qui retient les galaxies entre elles pour former les amas. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de progrès un petit peu de toutes les directions. Françoise Combe, est-ce qu'on peut dire que cette décennie, ces deux décennies des années 20-30 sont des décennies assez miraculeuses dans le domaine de l'astrophysique et de l'astronomie? Ah oui, je pense que 1920-1930, on découvre que l'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on croyait par les distances, l'expansion de l'univers et peu à peu l'acceptation d'un Big Bang, parce que déjà le maître, en 1930, lorsqu'il a compris que l'espace était en dilatation, comme l'équation d'Einstein le prédisait, il avait dit, si on repasse le temps en arrière, on voit que on vient d'un état très dense et très chaud qu'il va appeler atome primitif. Et puis, c'est cette forme, enfin, ce terme d'atome primitif a été dénommé Big Bang par un de ses détracteurs, hein, Hoyle. Fred Hoyle, qui n'y croyait pas du tout. Et on voit qu'à partir de 1930 jusqu'en 1960, 70, pendant 30 ans, on n'y a pas cru à cette expansion, ce Big Bang. Il y a eu toujours des gens qui n'y croyaient pas, et dont Fred Hoyle, qui a voulu se moquer de cette théorie, disant c'est un univers qui explose, le Big Bang, et finalement, c'est resté. On constate donc que pendant cette période que l'univers acquiert des dimensions qui n'étaient pas envisagées ni envisageables jusqu'alors. Il y a quelque chose d'autre, Karine Mabudio, qui se passe, c'est je crois qu'on situe le Soleil à une autre place dans notre galaxie, la Voie lactée, assez rapidement. À partir de quand on se rend compte que finalement nous autres, terriens, habitons en périphérie de notre galaxie spirale? On s'en rend compte en fait dès 1930 en fait quand avec l'étude des amas ouverts, Tremblay démontre la présence du milieu interstellaire très absorbant, et donc c'est là qu'on comprend les biais observationnels qu'avaient eu Herschel et Kapteyn, et donc on peut resituer le soleil à sa place. Mais pour tout ce qui est l'interprétation des comptages d'étoiles et comment c'est biaisé par l'absorption interstellaire, en fait il faut attendre les ordinateurs pour faire ça dans les années 80 de façon vraiment vraiment précise. Et on va arriver bien sûr à toutes ces innovations techniques et à tous ces progrès qui nous ont permis d'aller encore plus loin dans la compréhension de notre Voie lactée. Avant tout ça, je vais vous proposer d'écouter une petite archive. C'était sur l'ORTF en 1956. Un autre progrès essentiel a été la découverte du mouvement des étoiles. Grâce à des mesures de position assez précises, on s'est aperçu que toutes les étoiles, ou presque, sont en mouvement sur la sphère céleste. Les constellations se déforment extrêmement lentement, et naturellement le ciel du 1er janvier est à peu près identique à celui du 31 décembre. Mais des photographies prises il y a un demi-siècle montrent que, par exemple, la constellation de la Grande Ourse s'est très sensiblement déformée. On sait aussi que toutes les étoiles que nous voyons sont des membres d'une même famille, une grande nébuleuse spirale qui s'appelle notre galaxie. La galaxie est une sorte de disque d'étoiles, nous sommes assez loin du centre de ce disque, et la marque de ce disque sur le ciel, c'est ce que nous appelons, nous, la Voie lactée. Voilà, la Voie lactée, Françoise Combes, une réaction. C'est toujours intéressant d'entendre des archives qui datent un petit peu de quand on parle d'astrophysique, parce qu'on se rend compte des progrès qui ont été réalisés depuis. Une réaction à cet archive de 1956, je le rappelle. Oui, 1956, c'est pourtant bien au-delà de 1930, où on savait déjà tout cela. Et donc, en effet, on est étonné de voir que ça prend une certaine lenteur pour être accepté par les astronomes. Et j'ai aussi lu des livres au départ, enfin dans cette période 50 à 1970, où il y avait très peu de choses sur les galaxies et on n'enseignait pas. En fait, c'était un espace de recherche qui n'était pas enseigné. Donc, je pense que c'est assez émouvant de voir que les connaissances prennent du temps à être acceptées par les astronomes et ensuite par le grand public. Karine Babusio, une réaction aussi à cette archive joliment désuète. Oh bah oui, c'est le mouvement des étoiles entre les différentes époques, c'est quelque chose sur lequel moi je travaille, donc on en parlera plus tard, mais c'est aussi ce qui a permis de mieux comprendre dès les années 1930 aussi qu'il y a plus de détails que ça dans la Voie lactée, c'est-à-dire dès 1930 il y a Lindbald et Oort qui ont pu voir qu'il y avait deux types de populations dans la Voie lactée par leur mouvement, c'est-à-dire qu'il y avait un type qui était dominé par la rotation et un autre qui avait des mouvements plus aléatoires. Et en parallèle, il y a eu aussi beaucoup d'observations spectroscopiques des étoiles. Et il y a en particulier Hertzsprung et Russell qui ont classifié les étoiles en fonction de leur température et leur couleur. Et après, Bade qui a utilisé toutes ces notions pour arriver à la notion de population stellaire. Et donc, en effet, maintenant, on sait qu'il y a différentes populations stellaires dans la galaxie. Donc, en particulier, une population jeune qui tourne autour du centre de la Voie lactée, une population plus vieille qui a des mouvements plus aléatoires tout autour de ce disque galactique. Françoise Combes, qu'est-ce que le fait de situer la Voie lactée comme une galaxie parmi d'autres change à la connaissance de notre galaxie dans ces années-là? Et voilà, quelles connaissances se font jour à ce moment-là? Et surtout, comment on travaille sur la Voie lactée à partir de ces établissements qu'ont réalisé notamment Edwin Hubble? Oui, je pense que c'est fondamental de savoir que notre galaxie en est une parmi d'autres, parce que nous sommes à l'intérieur du plan de la Voie lactée, donc nous la voyons par la tranche. Et donc c'est encore plus difficile d'avoir une idée de sa structure spirale, il faudra avoir des distances très précises, on ne les a pas. Donc on se projette dans les galaxies extérieures, on les voit de face ou un petit peu inclinées, mais pas par la tranche. À ce moment-là, on peut voir la structure spirale, la dynamique, on peut dire bon, ça doit se passer comme ça chez nous. Donc on arrive par analogie à comprendre ce qu'est notre galaxie en regardant les autres galaxies spirales. Si on n'avait que la nôtre, peut-être les progrès auraient été un peu plus lents sur la structure spirale qui a eu du mal à émerger parce que on n'avait pas bien accès aux distances lorsqu'on est dans le plan avec toute la poussière qu'il y a, etc. Et c'est ça qui est passionnant dans cette histoire de la découverte de la compréhension de la Voie lactée, c'est que c'est parce qu'on en fait partie finalement qu'on peut pas avoir de représentation immédiatement complète de notre galaxie. Et pour ça, progressivement, heureusement, on va avoir accès à de nouvelles technologies, à des grands progrès techniques qui vont nous permettre d'estimer et d'observer plus loin dans l'espace. Karine Babusio, est-ce qu'on pourrait peut-être mentionner quelques-unes de ces grandes réalisations observationnelles ou en tout cas technologiques qui nous ont permis de mieux comprendre notre Voie lactée? Alors, il y a eu plusieurs grandes étapes. Il y a eu les plaques photographiques à la fin du 19e qui ont changé. On n'avait plus besoin de travailler à l'œil. Et on a pu en particulier faire des mesures de différence de position entre des époques suffisamment éloignées pour voir le mouvement propre des étoiles. Il y a eu les observations en ondes radio qui, là, ont permis de voir la cinématique du gaz. Et c'est là qu'on a pu voir donc le gaz suivait des orbites approximativement circulaires, mais on a pu découvrir plein d'autres choses, comme le fait que le disque de la galaxie n'est pas en fait plat, mais il est un peu bombé comme en forme de chips. On a vu aussi qu'il s'étendait très très loin, plus loin que les étoiles que l'on peut voir. Et on a vu des zones de surdensité dans ce gaz, et où on a supposé que ça pouvait être en effet les bras spiraux qu'on voyait comme ça. Françoise Combes, sur ces progrès technologiques qui nous apportent des connaissances sur notre Voie lactée, paradoxalement en observant ailleurs dans l'espace. Oui, alors là, il y a énormément de progrès qui ont été faits. D'abord, on a élargi notre fenêtre d'observation. D'abord, on observe en optique, puis en radio, comme disait Karine. Donc, on regarde le gaz, mais on a pu observer ensuite de la radio très basse fréquence jusqu'aux rayons gamma et aux rayons X, etc. Donc, on a une vision maintenant de tous les phases de gaz qu'il y a dans notre galaxie et les galaxies extérieures. Par exemple, le satellite Herschel, on parlait d'Herschel, on a toujours donné aux satellites les noms d'astronomes célèbres. Donc on a un satellite Herschel qui a regardé la poussière, l'émission de la poussière dans les galaxies extérieures, et ça nous a permis de comprendre beaucoup mieux les sites de formation d'étoiles. Il y a des pouponnières de formation d'étoiles que l'on ne voit pas en optique. Donc quand on regarde qu'avec la lumière, avec nos yeux, la lumière jaune, rouge, etc., on ne voit pas ces étoiles. Elles sont cachées et on ne la voit qu'elles chauffent la poussière, on ne la voit que dans l'émission de la poussière, c'est-à-dire en infrarouge lointain, en infrarouge proche. Donc toutes ces fenêtres de longueur d'onde nous ont permis de beaucoup mieux connaître les flambées de formation d'étoiles dans les galaxies extérieures qui se passent lorsque les galaxies fusionnent entre elles, interagissent et fusionnent. Donc on va, par analogie, essayer de comprendre ce qui a été dans le passé de notre galaxie, les fusions. Par exemple, on a fusionné il y a à peu près 8 à 10 milliards d'années avec une galaxie assez massive, et c'est peut-être là qu'a été formé le Soleil. Et puis, depuis 8 milliards d'années, on n'a que des petites fusions mineures avec des satellites, comme par exemple, on est en train d'interagir avec les nuages Magellan, qui vont sans doute, dans un futur proche, fusionner avec notre galaxie. Donc tout cela, on le voit dans les galaxies extérieures, on voit des fusions de galaxies, des bras spiraux qui sortent des ponts, des queues de marée, et tout ça nous apprend quelque chose sur notre propre galaxie. Mmh. On a découvert également dans les années 50, Françoise Combes, un élément important, c'est qu'il existe un trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Voilà, alors là, notre galaxie, elle est un peu à double tranchant, on est trop près dans le plan pour voir la grande structure. Par contre, c'est le trou noir le plus proche que nous ayons. Donc on a pu montrer que c'était 4 millions de masses solaires, alors qu'il y a, dans chaque galaxie, il y a au centre un trou noir qui est parfois beaucoup plus massif. Dans Andromède, il est 30 fois plus massif, ou il est 1000 fois plus massif dans la galaxie centrale de l'amas de la Vierge, pour lequel on a déjà fait l'image du trou noir, l'image de l'ombre du trou noir. Donc là, on a un trou noir le plus proche possible, et on peut ainsi connaître la physique du trou noir, parce qu'on est très proche. Karine Babusio, c'est aussi à partir, alors là on va faire un petit saut dans le temps, mais à partir du moment où on peut envoyer des télescopes dans l'espace, qu'est-ce que ça change sur notre observation de nos galaxies voisines et sur notre compréhension de la Voie lactée ? Mais sachant justement qu'on a accès à beaucoup plus de domaines de longueur d'onde qui sinon ne sont pas accessibles à cause de l'atmosphère. Et donc toutes ces découvertes dont parlait Françoise, et on a aussi accès à des observations beaucoup plus pures, beaucoup plus précises. Parmi les missions qui sont consacrées à notre galaxie, à la Voie lactée, on peut et on doit mentionner la mission Gaïa, dont vous faites partie, Karine Babusio. Est-ce que vous pourriez nous en rappeler la genèse de cette mission ? Alors la mission Gaïa s'appuie sur son prédécesseur qui s'appelait Hipparchos, qui a donné son catalogue dans les années 90. La particularité de ces deux missions, Hipparchos et Gaïa, c'est de donner la distance des étoiles. Donc on l'a évoqué plusieurs fois au cours de cette émission, l'importance de connaître la distance des différents objets, ce qui a provoqué autant de débats. C'est ça, c'est qu'il nous manque la distance des étoiles. Et donc le but de ces missions, c'est de mesurer les distances des étoiles par la méthode de la parallaxe. Donc on utilise le fait que la Terre tourne autour du Soleil en une année pour voir sur le ciel ce que ce mouvement-là produit sur le mouvement apparent des étoiles sur le ciel. En fait, la première parallaxe a été mesurée au milieu du 19e siècle au sol, Mais au sol, on peut mesurer que les étoiles les plus proches. Et donc, il faut la précision du spatial. Et aussi la partie astrométrie absolue, c'est-à-dire que pour pouvoir voir ces tout petits mouvements, il faut vraiment pouvoir relier les mouvements des étoiles les unes par rapport aux autres. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'observer deux régions du ciel en même temps, pour pouvoir vraiment lier tous les mouvements les uns par rapport aux autres, pour pouvoir avoir une sphère rigide de référence et voir tous les tout petits mouvements de chacune des étoiles sur cette sphère. Et donc voilà, c'est l'objectif de ces deux missions, Hipparcos. Est-ce que vous faites d'une certaine façon de l'archéologie galactique ? Ah, tout à fait, c'est ça. L'archéologie galactique, c'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs années, en particulier aussi grâce aux grands relevés spectroscopiques qui sont en place. Et là, on va essayer, en combinant la chimie des étoiles que l'on observe en spectroscopie avec leurs mouvements que l'on peut voir avec donc des missions comme Hipparcos et Gaïa, mais aussi avec la vitesse que l'on a par effet Doppler en spectroscopie. On combine tout ça et on essaie de retrouver à quelle population stellaire font partie les étoiles que l'on observe, et donc de remonter à où est-ce qu'elles étaient avant, et donc quelle est leur histoire, comment est-ce qu'elles ont fini là. La plupart de celles qu'on observe sont relativement proches de nous, mais elles peuvent venir de relativement loin dans la galaxie. On essaie de détricoter au fur et à mesure l'histoire de ce qui s'est passé. Alors, quelle réponse vous obtenez à ces questions que vous posez aux galaxies que vous observez sur la vie des étoiles, sur le passé de notre galaxie ? Oh là, il y en a beaucoup. Les plus importantes, peut-être, les plus saillantes pour vous. Alors, au niveau de l'étude des étoiles en elles-mêmes, de la compréhension des différents modèles d'étoiles, une des choses qu'on fait en particulier, c'est d'améliorer les échelles de distance. On a parlé des céphéides, et donc pour pouvoir mieux estimer les distances à partir des céphéides, eh bien, il faut bien les calibrer au niveau local. Et donc, ça fait partie des grands bouleversements qu'a eu Hipparcos et que va bientôt avoir avec les nouvelles précisions que l'on attend Gaïa dans quelques années. Mais au niveau de notre Voie lactée, donc on arrive à remonter, par exemple, à l'histoire des différentes fusions qu'il y a pu y avoir. Et donc on est remonté à cette grande fusion il y a 10 milliards d'années avec une autre galaxie, c'est qu'on a appelée Gaïa Enceladus, qui était à l'époque à peu près un quart de la masse de la Voie lactée à l'époque, et qui a fusionné avec elle, et ça a créé un épaississement du disque que la galaxie avait à ce moment-là, créant ce qu'on appelle maintenant un disque épais. Et les restes des étoiles, en fait, qui sont fait manger par le halo de la galaxie, se retrouvent maintenant mêlés dans le halo galactique. Mais on en voit encore leur trace, à la fois par leur chimie et par leur vitesse, parce qu'elles ont tendance à tourner dans l'autre sens par rapport aux étoiles du plan galactique. Françoise Combes, sur cette mission Gaïa, c'est fascinant parce qu'il y a 100 ans, on n'imaginait pas du tout la Voie lactée. Enfin, on imaginait que la Voie lactée était quasiment tout l'univers. En 100 ans, on a fait des progrès de fou. On s'en rend compte en entendant parler Karine Babusiot de cette mission Gaïa. Oui, là, on a fait des progrès fantastiques. Gaïa, c'est une révolution en fait. Ça permet d'avoir une très grande précision sur la position des étoiles, sur la vitesse. Et donc, on peut retrouver toute la dynamique et toute la dynamique de la galaxie que l'on n'avait pas parce qu'on manquait de cette précision. Alors, on peut quand même retirer un des résultats aussi importants, c'est qu'on s'est aperçu que la galaxie était complètement hors équilibre. On pensait qu'il y avait un équilibre, qu'il y avait des bras spiraux, d'accord, mais en fait, on avait quand même atteint une certaine relaxation, un certain équilibre, mais pas du tout. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'événements, sans doute des fusions mineures, qui sont en train de faire bouger le plan. Il oscille et fait des gauchissements comme une crêpe, et aussi dans l'espace des vitesses et des positions, on voit des spirales qui se produisent. Et donc on voit que il est sans cesse en mouvement, la galaxie n'est pas du tout en équilibre. Donc tous les modèles qu'on avait fait d'équilibre de la galaxie sont à revoir dans cette hypothèse de dynamique. Françoise Combes, on parle là d'observation, il y a aussi des méthodes de calcul qui nous ont permis de découvrir que la Voie lactée était membre d'un amas de galaxies, qui lui-même était membre d'un super amas de galaxies, et on parle de la découverte de l'Aniakea, ce mot sublime. Françoise Combes, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette histoire ? Oui, alors l'Aniakea, ça a été un mouvement. C'est très difficile de connaître les structures. On a le groupe local, hein. On a le groupe local qui est formé de la Voie lactée, Andromède et d'autres galaxies. Et c'est un petit groupe. C'est pas un amas de galaxies. Il y a l'amas de Virgo, l'amas de la Vierge, qui est plus loin, et puis ensuite encore plus loin l'amas de Coma, que observait Zwicky, et on aimerait connaître la distance respective. Alors on sait qu'il y a l'expansion de l'univers qui nous donne une certaine distance, mais l'expansion n'est pas encore assez grande parce qu'on est très proche, et il y a des mouvements propres, des vrais mouvements cette fois, c'est pas seulement une dilatation de l'espace, c'est des vrais mouvements. Et pour cela, il faut avoir des indicateurs de distance indépendants de l'expansion. Alors c'est ça qui a été obtenu par des relations d'échelle, la loi de Fisher par exemple. Et donc c'est ce qu'on fait par exemple le groupe de Lyon avec, Courtois et Hélène Courtois, et qui ont montré qu'il y avait un bassin d'attraction, c'est-à-dire que notre groupe local, avec l'amas de la Vierge, était dans un bassin qui était, au point de vue gravité, attiré vers un certain ensemble qui s'appelle l'Aniakea, parce que ça a été découvert à Hawaï, donc c'est un nom hawaïen qui veut dire notre ensemble, notre univers. Mm-hmm. Et puis les autres amas, l'amas de Coma ou le grand attracteur qui est un amas de chapelet à l'extérieur, font partie d'un autre bassin d'attraction, un petit peu comme on pourrait dire un fleuve, hein, un fleuve qui naît quelque part. Toutes les eaux vont descendre d'un côté si vous êtes dans ce bassin d'attraction là, et puis de l'autre côté de la crête, si vous êtes dans un autre bassin. Donc, on a un bassin d'attraction et c'est l'Aniakea. Donc, c'est notre ensemble, notre univers. Et malgré les immenses progrès qui ont été réalisés en à peine un siècle, il y a encore des grandes questions. Il nous reste une minute ou deux. François Combe, on peut parler de ces grandes questions encore concernant notre Voie lactée, notamment la matière noire, l'énergie sombre. Ah oui, alors là, c'est... On n'aura pas assez de deux minutes, mais... Depuis des dizaines et dizaines d'années, depuis Zwicky 1930, surtout dans la courbe de rotation de la Voie lactée, on sait que depuis 1970-80, on sait qu'on est entouré d'un halo de matière noire qui est plus massif que la matière visible que l'on voit. Donc ça, on ne sait toujours pas de quoi cette matière noire est faite. Elle est supposée être faite de particules qui ne sont pas vu dans les accélérateurs de particules. Ça, c'est un gros problème. Donc, on est à un point charnière où le candidat de matière noire que l'on avait depuis 1985, que l'on recherchait dans les tunnels, hein, le tunnel du Mont Blanc, le Grand Sasso, pour essayer d'avoir des particules de matière noire qui soient prises dans nos détecteurs, tout ça, on ne l'a pas vu. Et donc, on est à un carrefour. Peut-être que cette matière noire n'existe pas, peut-être qu'il faut changer la loi de la gravité, parce que finalement, cette matière noire ne nous apparaît que par son action gravitationnelle, elle n'a aucune autre action, elle ne se voit pas. Donc il y a énormément une effervescence de travaux sur ce sujet et sur l'énergie noire, qui est aussi une accélération de l'expansion de l'univers qu'on a découvert en 1998. Merci beaucoup Françoise Combe, merci Karine Babusiaux d'être venue nous raconter cette histoire de la découverte de notre Voie lactée. Et comme chaque jour, on se quitte en musique avec aujourd'hui Mélodie Gardot, Les Étoiles. Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoile qui vous regardera. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Umdenstock, Antonin Amberger, à la réalisation toute cette semaine, Somaya Dabesh. Merci Somaya. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Au menu de Reka, la semaine prochaine, lundi, nous vous raconterons l'histoire de l'invention de la cartographie. Mardi, il sera question de l'invention du plastique. Mercredi, nous redécouvrirons ensemble l'ADN. Jeudi, on branchera le courant et on parlera de la découverte de la maîtrise de l'électricité. Enfin, vendredi, on reviendra sur l'invention des vaccins. À la semaine prochaine donc, mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. France Culture. l'esprit d'ouverture.